Jean Désiré Boukeneza. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. Tout importateur burundais devra désormais avoir une banque partenaire pour ses opérations d'importation, la dite banque opérant soit au Burundi, soit à l'étranger. Le président de la République du Burundi l'a dit dans son discours à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Honorable Léonce Nguendakoumana est depuis hier, 1er juillet 2023, membre du Conseil des sages au sein de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Son nom a été proposé par le gouvernement du Burundi. Il a été approuvé au cours du 23e sommet des chefs d'État de la CEAC ce samedi à Libreville au Gabon. Les habitants de la commune Muruta en province de Kayanza se disent satisfaits pour un bus de transport qui vient d'être mis à leur disposition les week-ends, mais plaident pour la disponibilité de ce véhicule tous les jours. François Akimana assure la mise en onde. Tout de suite, les détails. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons cette édition par la page économie et gouvernance. Tout importateur devra désormais montrer la banque à travers laquelle il a fait ses opérations d'importation. La dite banque opère soit au Burundi, soit à l'étranger. Dans son discours à la nation à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a précisé que cette nouveauté sera introduite pour barrer la route à toute opacité dans l'utilisation des devises. Il a en outre indiqué que les importations et exportations renseignent sur le degré de développement d'un pays. On l'écoute dans cette traduction française de Patient Nizongiza. Ugero igihugu kigeze ko ugereranije n'ibindi bihugu mu butunzi n'iterambere rubonekera ku rupimo hagati y'ivyo igihugu gishora hanze n'ivyo kigura hanze. Isuma vyishye hanze. Le degré d'avancement d'un pays par rapport à d'autres pays se mesure par ses importations et exportations. Quand on importe plus, cela montre qu'on est en arrière dans des activités d'augmentation de la production. Et quand on exporte plus, c'est la preuve irréfutable qu'on travaille jusqu'à avoir le surplus. Mais chez nous, comme il y a des gens qui ne sont pas patriotes, même ceux qui ont exporté les biens du Burundi, ils cachent les devises à l'étranger. Ceci fait que ces pays sont comptés parmi les pays développés et le Burundi comme pays pauvre. Même ceux qui rapatrient ces devises, ils les cachent dans leur maison, donc sans effet pour le pays. Nous, dirigeants du pays, nous considérons ces gens comme des ennemis du pays. C'est pour cela qu'on va à tout prix lutter contre un tel comportement. Comme nous disons qu'il y en a qui le font par ignorance, nous avons demandé que les francs-bouts et les devises soient mis dans les endroits adéquats et qu'on en sorte pour faire diverses opérations. Nous avons entendu qu'il y en a qui ont peur qu'ils seront sanctionnés s'ils déposent les devises à la banque. Je les rassure, cet argent restera le vôtre. Vous achèterez le matériel dont vous aurez besoin en travaillant avec vos banques commerciales. C'est pour cela que, pour lutter contre le vol, nous avons demandé que tout importateur devra désormais déposer le paiement des importations et passer par une banque étrangère ou locale. Mais alors, sachez que toute chose a une limite. Celui qui continuera son comportement et qui refuse de mettre cet argent à la banque, qu'il sache que le moment viendra, on prendra des mesures. S'ils sont attrapés avec ces devises, ils seront sanctionnés conformément au code pénal en ce qui est du blanchiment d'argent. Nous le disons parce qu'il y en a qui ignorent encore cela. Ufatanywe amahera mva makungu ahanwe n'ingingo ziri mu gitabo mpana vyaha cyo Burundi mu gice kiraba abagira urudandazwa rwa magendo rwa mahera tubivuze kuko tubona hari habataziko urudandazwa rwa magendo rwa mahera ruhanwa. Évariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Honorable Léonce Nguendakoumana est devenu membre du Conseil des sages au sein de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Son nom a été proposé par le gouvernement du Burundi. Il a été approuvé au cours du 23e sommet des chefs d'État de la CEAC, ce 1er juillet 2023, à Libreville, au Gabon. Léonce Nguendakoumana se dit satisfait pour la confiance en sa personne. Et cette personnalité politique du parti de l'opposition indique que telle responsabilité implique fournir des conseils en rapport avec la prévention et gestion des conflits et se réjouit de pouvoir jouer ce rôle. Suivez plutôt honorable Léonce Nguendakouman. C'est un sentiment de satisfaction pour avoir été désigné comme membre du comité des sages de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et particulièrement dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits et des crises, pour fournir, donner des conseils aux gestionnaires des États. Et la mission d'un membre du comité des sages de la CIAC, c'est de fournir des conseils au conseil de paix et de sécurité de cette communauté, particulièrement au président de la commission mise en place par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté, de faciliter une sorte de négociation, une sorte de médiation pour avoir des compromis sur des conflits et des crises qui peuvent éclater dans cette communauté, de cette manière, contribuer à la stabilisation de la communauté pour que effectivement cette communauté s'adonne à des activités de développement économique et social, comme le nom l'indique. L'intérêt, ce n'est pas que je sois désigné par cette communauté. Ce que gagnera le pays, ça proviendra certainement des conseils que le comité des sages va fournir au président de la commission et du rapport, des recommandations que le président de la commission va fournir au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour pouvoir essayer de gérer des conflits et des crises qui éclatent au sein de la communauté ou au sein des pays, parce que les conflits sont de nature individuelle, de nature inter- ou intra-communautaire, inter- ou intra-État. Et le Burundi alors peut profiter de ces conseils pour aussi améliorer, consolider les cadres des conseils de sages qu'on observe au niveau du pays, au niveau des partis politiques et probablement dans les autres organisations qui sont dans ce pays, il y aurait des conseils de sages. Il faut alors que les gens apprennent à profiter des expériences de ceux qui ont eu la chance d'assumer des fonctions importantes parce qu'ils ont vécu. Et le Burundi alors pourra bénéficier des expériences de ses anciens dignitaires et mettre à profit les conseils qui seront donnés par les membres de ces conseils. Honorable Léonce Nguendakouman, au cours de ce 23e sommet des chefs d'État de la CIAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenu ce 1er juillet 2023 à Libreville au Gabon, le Burundi a été représenté par le ministre en charge des Affaires étrangères, ambassadeur Albert Shingiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h09 au studio de la radio Isanganiro, parlons transport. Les habitants de la commune Muruta en province Kayanza éprouvent un sentiment de satisfaction vis-à-vis d'un bus de transport que la commune a mis à leur disposition pour les déplacements du week-end. Pourtant, les mêmes habitants plaident pour la disponibilité de ce véhicule tous les jours. Patrick Saint-Guillaume. Bien que ce bus de la commune Muruta n'apparaît pas beaucoup neuf, la population de cette commune salue la disponibilité de ce véhicule, expliquant que ces derniers jours, le coût d'un ticket de transport à moto était élevé, surtout selon eux avec la pénurie du carburant. Odasi Hachimana, administrateur de la commune Muruta, indique que ce véhicule était de la commune même avant la crise politico-ethnique qui a secoué le pays en 1993. Cette autorité administrative à Muruta fait savoir que le bus était dans la société de transport Otraco, laquelle société l'a remis d'ailleurs à la commune Muruta. L'administrateur communal Muruta demande à la population de la commune qu'il dirige de bien veiller sur son bien public et surtout en aménageant les routes où ce véhicule passe. Les habitants de la commune Muruta demandent pourtant que ce bus soit disponible tous les jours et pas seulement les week-ends, et ce d'après eux, dans l'optique de faciliter davantage les déplacements de la population pour le trajet Muruta-Virdo-Kayanza et vice-versa. Depuis Kayanza, Patrick Saint-Guillaume pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Saint-Guillaume. Parlons sport. Renouer les bonnes relations entre le Burundi et le Rwanda, tel est l'objectif de l'organisation des matchs amicaux de cricket qui a été livré ce samedi à Bujumbura. John Clinton Saint-Guillaume, président de la Fédération burundaise de cricket, fait savoir qu'il compte implanter ce sport partout dans le pays dans l'avenir. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. Ce match s'inscrit dans le cadre d'encourager la jeunesse burundaise à participer aux jeux de cricket. Comme vous le savez, les Rwandais nous ont beaucoup aidés au départ quand on était en train de développer le cricket au Burundi. Alors nous avons pensé d'inviter les Rwandais ici au Burundi pour jouer un match amical et aussi encourager la jeunesse aussi pour qu'ils puissent se mesurer et voir s'ils font une évolution dans l'apprentissage du cricket. Le cricket, c'est le sport nouveau ici au Burundi. Quel est l'état de actuellement de ce sport? Je dirais que je suis satisfait personnellement parce que vu que nous sommes ici depuis 2 ans et la fédération compte déjà 22 équipes au niveau national. C'est une bonne chose. Nous sommes déjà présents dans 4 provinces du Burundi. Je crois que nous avons fait un grand effort comparativement aux autres sports, comment ils se sont développés au niveau national. Je dirais que le cricket se développe à une allure très remarquable. Et quand est-ce que vous comptez organiser le championnat national de ce sport? Récemment, on prévoit commencer les championnats de U19 ou la 3e division pour les jeunes de moins de 19 ans. Nous envisageons que dans ce mois d'août, le championnat va débuter. Après ce match d'aujourd'hui, est-ce que vous comptez organiser le match retour avec le Rwanda? Oui, bien sûr. Nous avons déjà demandé de faire un match retour. Nous allons continuer à y parler avec nos camarades du Rwanda. Si le temps le permet, je crois que d'ici quelques mois, nous allons aller au Rwanda pour aussi livrer un match de retour là-bas. Et les jeunes de Nyanzala, ils sont très motivés par ce match d'aujourd'hui. Et ils ont dit qu'ils vont bien faire. Là, au Rwanda. À part le Rwanda, aurait-il d'autres pays qui ont sollicité les matchs amicaux avec le Burundi? Comme vous le savez, le Burundi est nouveau dans la famille de cricket dans la sous-région. Il y a déjà des clubs dans des pays limitrophes qui nous ont déjà sollicité des matchs amicaux. On espère que bientôt, il y a l'Ouganda et la Tanzanie qui ont déjà fait les demandes de matchs amicaux. On va y penser. Quant à Steven Moussari, président de la Fédération rwandaise de cricket, il se réjouit du pas déjà franchi dans ce sport au Burundi. Il appelle la population burundaise et surtout les jeunes à aimer le cricket. Suivez-le dans la traduction française de Patient Nizonghiza. Byagenze neza cyane. Iyi game yari y'ubucuti ariko international urumva twese twaje gukina. Ce match était amical mais international. La première chose est de maintenir les relations. Nous passons environ 13 ans en jouant au cricket. Nous avons entendu que nos voisins ont commencé à jouer ce genre de match. Nous avons senti la passion de venir jouer avec vous parce que nous avons de bonnes relations. Nous sommes satisfaits de votre objectif. Si vous continuez comme ça, vous serez développé rapidement. Je pense que vous êtes majeur ici. Et chez nous, nous vous accueillerons les bras ouverts. Les enfants qui n'ont pas encore commencé à jouer au cricket venaient nombreux. C'est un jeu qui contient beaucoup de techniques et qui maintient aussi l'effort physique. Ubucuti n'ubuvandimwe effort zose z'umubiri wose ukeneye byose birajyanye. Et ce match amical de cricket entre le Burundi et le Rwanda s'est soldé sur un score de 88 buts à 66 en faveur du Rwanda voisin. Et c'est la fin de cette édition, mais je vous en rappelle les titres. Tout importateur burundais devra désormais avoir une banque partenaire pour ses opérations d'importation. La dite banque opéra soit au Burundi, soit à l'étranger. Le président de la République du Burundi l'a dit dans son discours à la Nation à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Honorable Léonce Ngendakoumana, depuis hier, 1er juillet 2023, membre du Conseil des sages au sein de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, et son nom a été proposé par le gouvernement du Burundi. Il a été approuvé au cours du 23e sommet des chefs d'État de la CEAC ce samedi à Libreville, au Gabon. Les habitants de la commune Muruta en province de Kayanza se disent satisfaits pour un bus de transport qui vient d'être mis à leur disposition les week-ends, mais plaident pour la disponibilité de ce véhicule tous les jours. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la mise en onde au micro Alain Désiré Boukeneza. Bonne soirée à tous.